Les nuits de France Culture, la nuit consacrée à Claude Chabrol, se poursuit en compagnie de Cécile Mestre Chabrol et de Thierry Jousse. Un type qui n'a jamais la prétention de faire le chef-d'œuvre du siècle, ça rassure. Il y a une modestie dans tout ça qui finit par porter ses fruits. C'est ce que disait Chabrol. Serions-nous aujourd'hui au moment où ça porte ses fruits, Cécile Mestre Chabrol? Je ne sais pas. Peut-être, oui, peut-être que l'humilité est une qualité qui pourrait ressurgir comme ça dans ce monde étrange. Je ne sais pas. Il me semble que ça a quand même porté un peu ses fruits de son vivant, parce qu'à partir des années 80, disons la période Karmitz qui commence grosso modo avec Poulet au vinaigre, milieu des années 80, Chabrol commence à exister de manière beaucoup plus forte. Alors je ne sais pas si c'est lié à cette modestie ou à autre chose, ou au fait qu'il devient un personnage public qu'on voit plus souvent justement à la télé ou ici ou là. L'affiche de Poulet au vinaigre d'ailleurs, je me souviens, était assez caractéristique, si on le voyait soulever, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin en tout cas comme un cuisinier qui présente son plat. Et donc en fait on voit bien que le personnage de Chabrol commence à exister aussi presque de manière autonome. Ça a apporté ses fruits, mais la modestie, évidemment, c'est une force, mais c'est aussi quelque chose qui vous permet pas, voilà, d'être encore une fois identifié. L'arrogance de Godard, l'arrogance avec beaucoup de guillemets, hein, parfois géniale, parfois plus erratique, mais enfin bon, lui a quand même permis d'exister davantage, par exemple, en tant qu'artiste. Je crois que chez Chabrol, il n'y a pas cette idée d'exister en tant qu'artiste. C'est très, très par exemple, Chabrol et Godard, je trouve qu'ils ont, c'est presque l'opposé, si on prend les parcours liés à la nouvelle vague. Plus je revois des films de Buñuel, plus je suis impressionnée, disait Claude Chabrol. Peut-être parce qu'avec l'âge, on accepte mieux, on comprend mieux certains cinéastes comme Buñuel. N'est-ce pas aussi le cas pour Chabrol? Aimiez-vous autant Chabrol à 20 ans qu'aujourd'hui, Thierry Jousse? Je le savais pas autant, je pense. D'abord, j'avais vu moins de films. Je savais pas exactement ce que j'aimais chez Chabrol. Mais enfin, je crois que j'aimais déjà Chabrol, puisque moi, je voyais tous ces films à partir des années 80, disons, quand je commençais à être en âge de voir régulièrement, enfin, d'aller au cinéma beaucoup. Je voyais tous ces films quand même. Donc, ça voulait dire que j'étais quand même séduit par quelque chose. En revanche, il m'a fallu quand même attendre un certain nombre d'années pour, il fallait attendre 10-15 ans pour que je comprenne à quel point c'était un cinéaste important pour moi et à quel point c'était un cinéaste important tout court. Donc Chabrol, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois complètement évident, d'une certaine manière c'est accessible absolument à tout le monde, et en même temps ça se mérite d'une certaine manière, parce que si vous voulez vraiment pénétrer dans son univers, il faut quand même voir pas mal de films, parfois plusieurs fois, enfin il y a quelque chose qui est plus, il faut enlever quelques voiles pour arriver d'une certaine manière au centre de son cinéma. Donc je pense que j'aimais déjà Chabrol quand j'avais 20 ans, mais que je l'aime plus profondément aujourd'hui et depuis déjà quand même pas mal d'années. Et vous, Cécile Mestre Chabrol, qui suiviez tout cela depuis les coulisses en quelque sorte, que perceviez-vous des objets que fabriquait Chabrol quand vous étiez enfant, adolescente? Alors, enfant, je pensais qu'un réalisateur, c'était un type qui regardait la télé. Puisque Claude regardait la télé, regardait ou pas, mais en tout cas la télé était allumée tout le temps à la maison. Donc, comme je voyais pas trop mes parents tourner, puisqu'ils partaient très souvent et que c'était, bon, moi j'étais à l'école ou quoi, j'avais pas du tout de perception. Et à 20 ans, j'aimais beaucoup Chabrol, mais je connaissais pas ses films. Et j'ai commencé à travailler avec lui, pas du tout par cinéphilie, mais par goût de partager ce plaisir que je voyais mes parents prendre à travailler. Le travail n'a jamais été un travail au sens de laborieux. C'est une grande chance qu'ils ont eue et qu'ils m'ont transmise. En tout cas, j'ai sauté dessus. Voilà. Mais plaisir, mais énormément de travail. Hein. On était des petites équipes et quand on est moins nombreux, on travaille plus. Mais la perception de ces films, elle est venue tard. Elle est même presque venue, ma cinéphilie pour lui est venue presque quand il était plus là. Alors, bien sûr, je m'en suis bouffé les doigts parce que j'aurais eu tellement de questions à lui poser. Bon, comme il a été très très bavard, c'est une chance de pouvoir revoir son père, parler, raconter, expliquer. Enfin, il y a une foison d'archives vous le savez. Après, il y a quand on fabrique un film et ce que devient le film, ce sont deux choses vraiment très très différentes. Moi, il y a des films que j'ai adorés parce que j'ai adoré le tournage et du coup, les choses se mélangent un peu et donc c'est difficile de faire la part des choses quand on a travaillé à l'intérieur de la machine. Le résultat est plutôt décevant. 5 semaines épuisantes pour rien, ou presque rien. Des fausses pistes, des espoirs évanouis qui me laissent meurtri et désespéré. Je me rends parfaitement compte que le terrain de mes recherches est illimité, que je ne suis qu'un être sur la terre à la poursuite d'un autre être. Je n'ai pour arme que ma patience. J'ai tout mon temps, j'ai toute ma vie, et toute la sienne. À moins que le hasard ne s'en mêle. C'est fantastique le hasard et ça existe. Il n'y a même que cela qui existe. La pointe de mon stylo sur ce point du papier, c'est comme toute chose au monde, une coïncidence. Demandez à chacun de vous de choisir un extrait d'un film de Chabrol. Cécile, nous entendrons tout à l'heure celui que vous avez choisi. Thierry Jousse, pourquoi avoir choisi de nous faire entendre un extrait de Que la bête meure et pourquoi ce moment-là précis de ce film, la voix de Michel Duchossois dans le rôle de Charles Tenier? C'est d'abord une question presque musicale, c'est-à-dire que j'aime l'association de la musique de Pierre Janssen, qui était le compositeur de Chabrol, donc pendant toutes les années 60-70, et qui a marqué quand même de son univers, je trouve de son empreinte aussi l'univers de Chabrol. J'aime l'association de cette musique avec la voix de Michel Duchossois, qui est une voix qui fait, enfin, pour moi, cette façon de nous faire rentrer dans l'univers à travers de ce film terrible, à travers la voix de ce personnage. Ça m'a toujours fasciné. Après, j'aurais pu choisir d'autres extraits, hein, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de moments de Chabrol que j'aime dans toute sa filmographie. Mais il me semble que ce film, c'est peut-être celui, je sais pas si c'est son plus grand film, mais c'est peut-être celui que je conseillerais en priorité pour, peut-être pas pour rentrer dans l'œuvre de Chabrol, mais enfin, au bout d'un ou deux, trois films, ça me semble être ce film-là qu'il faut voir. Parce que on y voit, je trouve, à l'œuvre vraiment ce qui fait la puissance de Chabrol, cette espèce de ligne droite, et en même temps quelque chose de très tordu derrière cette ligne droite qui apparaît, parce que là on est au début de la quête du personnage donc joué par Michel Duchossois, dont il faut rappeler, c'est pas un secret, beaucoup de gens ont vu ce film, mais qu'il est le père d'un enfant qui est renversé au début du film dans une séquence d'ailleurs assez extraordinaire. Par donc Jean-Yann, ce qu'on va apprendre relativement vite, au bout de la moitié du film à peu près, et il y a quelque chose d'implacable dans ce film, et en même temps il y a un mystère, je trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui m'emporte dans cette voix off, dans cette volonté comme ça qui paraît indestructible de ce personnage d'aller à la quête de sa vengeance, même si en réalité le film est plus compliqué encore que ce qu'il en a l'air comme ça quand on le voit de loin. Il m'a semblé que c'était intéressant d'entendre aussi un extrait où on voit aussi la part sombre et noire de Chabrol, parce que elle est quand même très importante dans son cinéma. Que la bête meure, Michel Duchossois et Jean-Yann, Caroline Cellier, Anouk Ferjac et Maurice Pialat, formidable dans le rôle du commissaire. Pialat a un caractère très différent de celui de Chabrol, dont Michel Bouquet prétendait qu'il ne l'avait jamais vu piquer une colère, ni même avoir un geste d'humeur sur un tournage. Cécile Mestre Chabrol, comment vous-même l'avez-vous vu avec les comédiens? Il était très très très à l'aise, très gay. Enfin, d'abord, il considérait que la direction d'acteur, ça n'existait pas. Ça, c'était un de ses grands principes. Il racontait toujours que c'était dans une brasserie à Munich où il avait vu un geste comme ça d'un doigt pointé zoom pissoir et qui s'était dit mais au fond c'est ça la direction d'acteur, c'est juste leur donner une direction, donc il aimait leur indiquer leur trajet plus que leur expliquer que leur grand-père était directeur d'un pensionnat catholique pour jeunes filles en 1942. Bon, enfin voilà. Bon, donc il aimait beaucoup ça, il aimait beaucoup les acteurs, il n'en avait pas peur du tout. Il n'avait pas peur de grand-chose à part de la mort, il faut bien dire. Donc c'était très fluide entre eux, il leur donnait rendez-vous, en tout cas pour les rôles principaux, dans un bon restaurant, parce qu'il aimait bien voir comment les gens mangeaient, ça l'intéressait beaucoup, il apprenait beaucoup de choses en voyant ce que les gens commandaient, comment ils mangeaient, s'ils proposaient de payer l'addition ou pas, et donc ça commençait comme ça, et ça se terminait comme ça, parce qu'ensuite les rapports sur le plateau étaient assez fluides, ce que je disais, il y avait aussi, il faut dire, un certain type d'acteur ou d'actrice. Je pense par exemple à Romy Schneider et peut-être aussi à Emmanuel Béard, et ça n'a rien à voir avec leur qualité, leur talent, mais qui attendait autre chose d'un metteur en scène, peut-être quelque chose d'être plus prise en charge, plus peut-être manipulé au sens comme ça d'être comme une marionnette, et qui avait plus de mal avec un metteur en scène comme Claude, qui laissait à tous ses collaborateurs, et il considérait les toutes personnes qui travaillaient sur le film comme un collaborateur, il leur donnait une confiance absolue. Alors, voilà, je dirais ça de Claude et des acteurs. Et qui préférait à choisir un emmerdeur, à un excellent acteur emmerdeur, à un tout petit peu moins bon acteur pas chiant. Peut-être qu'il préférait le... Mais bon, il a quand même tourné avec les plus grands acteurs, il faut pas déconner. Gérard Depardieu n'est arrivé qu'au bout du chemin de Chabrol. Comment ça s'est passé entre eux et à quoi ressemblait Chabrol-Depardieu sur un plateau? C'était épuisant. Je crois que Gérard, qui a sans doute, qui a beaucoup tourné, comme on sait, sans doute beaucoup tourné aussi avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui avaient peur de lui. Je disais que Claude n'avait pas peur, donc Claude n'a jamais eu peur de Gérard, contrairement à d'autres. Et c'est facile d'avoir peur de Gérard, il est très impressionnant. Donc sur le plateau, c'était vraiment un concours d'anecdotes, d'imitations. Gérard aimait beaucoup imiter Jeanne Moreau, Georges Marchais, Chacha hurlait de rire. Ils étaient voilà. Gérard a été bon, moi j'ai une passion pour Gérard Depardieu, mais il a été exceptionnel de générosité, même si le premier jour de tournage, j'aimerais me raconter cette anecdote où bon, l'ambiance était comme ça particulière, toute l'équipe était assez quand même tendue, c'était le premier jour avec ce grand sorcier et tout le monde n'est pas très à l'aise. Et puis le premier plan s'est bien passé, voilà, et Claude a enchaîné en disant on va mettre la caméra là au 50, comme d'habitude, avec un machiniste qui met une croix, et puis tout le monde se met à travailler, et puis on a entendu la voix de Gérard dire « Claude, excuse-moi, est-ce que tu penses pas que on pourrait mettre plutôt la caméra là, et puis au lieu que je sois assis, qu'on rentre Marie, bien finalement ?» Et Claude, qui regardait le combo comme ça, ça posait ses mains sur ses cuisses, il fumait le cigare, il s'est levé, il s'est avancé vers Gérard, qui était plus grand que lui, et cette masse comme ça, il lui a dit « On pourrait, mais ce serait moins bien. » Et à partir de ce moment-là, je crois que Gérard s'est dit, j'ai rien d'autre à faire que ce pourquoi je suis là. Et ça a été, bon, on a tous beaucoup regretté qu'ils ne fassent qu'un film ensemble, ouais. L'un des grands plaisirs qu'il y a à voir les films de Chabrol, c'est d'y retrouver des comédiens à leur meilleur niveau. Pourquoi les acteurs sont-ils si bons dans ces films? Je pense que c'est la confiance des acteurs, beaucoup d'entre eux, à part une catégorie, mais je crois que la majorité d'entre eux, Claude, il faisait confiance au sens où il pensait que, d'abord, on confiait un rôle à un acteur, on lui confiait, donc à partir du moment où on confie quelque chose, c'est pas pour lui reprendre, que les acteurs qu'il avait choisis, il devait leur laisser la bride sur le coup, qu'il considérait que les acteurs étaient plutôt des gens intelligents, même s'il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour être un bon acteur, et que du coup, de toute façon, intelligence ou pas intelligence, ils en savaient plus sur le personnage que lui-même. Et donc, il pensait que c'était un ensemble, donc il laissait une créatrice de costumes travailler avec l'acteur sur comment s'habille le personnage. Enfin, c'était tout un ensemble. Pourquoi ils sont si bons? Peut-être aussi parce qu'il y avait une recherche de fabrication pas de faire une affiche, mais simplement que les univers puissent être contradictoires, mais quand même soit il y ait une interaction entre eux. Parce qu'il y a des catégories de comédiens quand même, mais c'est amusant de les mêler. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur le casting des films, et on adorait ça. C'était vraiment une fabriquer un plat, quoi. Donc des ingrédients, de l'amertume, de la douceur, de la suavité. Voilà. Il prêtait aussi une grande attention au second rôle et au tout petit rôle, avec là encore une fidélité à certains comme Mario David, Jean-Louis Maury, Attal et Zardy, évidemment, avec souvent un goût pour l'étrange et le grotesque aussi. Ouais, il aimait bien l'outrance, enfin, il aimait une forme d'outrance, oui, une forme en tout cas de, alors moi je, finalement, la grande singularité de son cinéma, c'est quand même qu'il y a ce décalage. Je sais pas très bien l'expliquer, j'ai pas, mais c'est cette espèce de décalage, c'est toujours de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a, un réalisme des relations, il y a un réalisme des relations, mais il y a quand même, c'est toujours fictionné, quoi. Je sais pas comment Thierry tu sauras raconter ça. Je dirais qu'il y a un côté un peu ludique quand même, presque dans sa façon d'appréhender le jeu de certains comédiens ou de certains personnages, notamment sur les seconds rôles. Il aime bien les. Enfin, il y a effectivement un côté presque cinéma d'avant-guerre parfois, on pourrait dire, sur le côté gueule, sur le côté personnage comme ça haut en couleur, et en même temps il y a une espèce de distance aussi en même temps vis-à-vis de ça qui fait que c'est, je sais pas, c'est une saveur, on pourrait dire, vraiment un plaisir qu'on a à voir les acteurs évoluer, en sachant que c'est des acteurs et en même temps en étant partie prenante totalement, ouais, de ce qui se raconte, quoi. Donc c'est très ambigu. Mais je vais peut-être ajouter quelque chose à ce que disait Cécile. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, disons, dans le style un peu acteur studio, on va dire, même si c'est pas évidemment une école française a priori, chez Chabrol. Parce que ce que moi j'aime bien, c'est cette espèce d'oubli de soi de l'acteur. Pour ça qu'Isabelle Huppert est quand même à son meilleur chez Chabrol. Enfin, elle a quasiment jamais fait mieux que ce qu'elle a fait. Et pourtant, elle a beaucoup tourné, hein, par ailleurs. Voilà, quelques, quand même aussi d'autres films, d'autres cinéastes avec lesquels elle a été très forte. Mais j'ai revu il y a pas si longtemps Violette Nozière, donc qui est son premier rôle chez Claude Chabrol, pour lequel elle a obtenu le prix d'interprétation à Cannes à l'époque. Elle est extraordinaire, vraiment. Mais, j'ai rarement vu Isabelle Huppert aussi géniale que dans ce film. Je sais pas, il y a une alchimie, il y a un mystère aussi. Stéphane Audran, c'est incroyable aussi ce qu'elle fait. Alors là, c'était une relation, j'imagine, particulière, mais quand même, moi, je suis complètement ébloui par ce qu'ils font tous les deux, au fond. Ouais, moi, j'ai revu Madame Bovary. Alors pour le coup, on l'a tournée en 90, j'étais assez jeune, et je l'ai revue et j'étais fascinée par le jeu d'Isabelle, mais aussi par l'alchimie entre le bouquin et vraiment la mise en scène de Claude. C'est extraordinaire, Madame Bovary, c'est sur le parcours de cette femme. Alors, par exemple, pour donner une idée, Isabelle raconte que Claude lui avait dit pour Madame Bovary, est-ce que vous pouvez me donner elle le vous voyait, hein. Claude y tutoyait tout le monde, mais Isabelle vous voyait, Claude. Est-ce que vous pouvez me donner une ou deux petites indications? Il lui avait dit oui, une ou deux petites indications, hein, pour jouer à Madame Bovary, c'est vous dire le niveau du truc. Et Chacha lui avait répondu oui, elle a un complexe de supériorité. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une lecture du roman où on pourrait penser que c'est l'inverse, elle a un complexe d'infériorité, de provinciale. Comme ça. Et en fait, non, elle a un complexe de supériorité, et c'est vrai que c'est un thème génial. Dans les films de Claude aussi, ce truc que les gens atteignent souvent ils pètent plus haut que leur cul, pour donner une expression que tout le monde peut comprendre. Et pour lui, Madame Bovary, elle pétait plus haut que son cul. Et c'est fascinant de le voir sous cet angle-là. Et Isabelle est démente. Enfin, d'ailleurs, on pourrait dire la même chose presque du personnage de Violette Nozière. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est un thème qui revient souvent. Thierry Jousse, cahier du cinéma d'octobre 2010 que j'évoquais tout à l'heure, dans un article dont le titre masculin-féminin était emprunté à Godard, vous insistiez sur ce qu'avait eu de féconde la part féminine du cinéma de Chabrol. Des bonnes femmes à la fille coupée en deux, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en effet, des femmes, les rôles féminins occupent le premier plan de beaucoup de ces 58 films. Si Bernadette Lafont appartient plutôt au temps des filles, au temps Nouvelle Vague, deux comédiennes règnent sur cette part féminine, Stéphane Audran et Isabelle Huppert. Dans Violette Nozière, Stéphane Audran était la mère d'Isabelle Huppert, dont c'était le premier des 7 films qu'elle devait tourner avec Chabrol. Il y avait là comme un passage de témoin, si l'on peut dire. D'après vous, de quelle femme à quelle autre est-on passé alors dans le cinéma de Chabrol ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Stéphane Audran, elle incarne vraiment cette épouse bourgeoise qui est souvent un peu double d'ailleurs, enfin qui est pas monolithique, enfin, la femme infidèle, on va dire. Voilà, bon, la femme coupée en deux d'une certaine manière déjà à cette période-là. Il y a quelque chose d'opaque chez Stéphane Audran qui est très étrange. C'est une actrice très à part, je trouve, dans l'histoire du cinéma français. Donc il y a une opacité de la femme bourgeoise et en même temps il y a une profondeur aussi parce que dans Juste avant la nuit, elle devient un personnage très fort, très complexe, très ambivalent. Hein. Je veux pas raconter pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est aussi un personnage qui fait presque un peu peur à un moment donné vers la fin. Et en même temps, on la comprend. Enfin voilà. Bon, Isabelle Huppert, c'est plus les femmes criminelles quand même qu'elle a incarnées. Alors pas dans tous les films, mais quand même pas mal. Entre Violette Nozière, Une affaire de femme, c'est pas vraiment un criminel, mais enfin quand même. Bon, il y a quelque chose qui a un lien avec. En tout cas, c'est lié à l'avortement. Bon, dans La cérémonie, évidemment, un peu moins dans Rien ne va plus. Bon, il y a. Mais je trouve qu'il y a un point. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un changement total de type de femme, parce que dans les deux cas, moi, il y a ce que j'aime chez les actrices de Chabrol, c'est l'oubli, ce que j'appelle moi l'oubli de soi. Je sais pas si. Je sais un peu ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à trouver une autre expression plus pertinente, c'est-à-dire des femmes qui ne jouent jamais de manière psychologique ou psychologisante, enfin voilà, qui sont pas dans l'intention, dans les intentions, quoi, qui arrivent à être des sortes de pures créatures de cinéma auxquelles on s'identifie ou pas, mais enfin en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, je trouve que il y a plus de fantaisie, enfin plus d'étrangeté pour moi chez Stéphane Audran qui est unique, que chez, sans doute que Isabelle Huppert est une comédienne plus qui a un registre plus large, plus accompli peut-être. On sait rien, enfin, il n'y a pas de hiérarchie forcément entre les deux. Mais en tout cas, on trouve ce point commun, me semble-t-il, entre les deux, qui est voilà, c'est cet abandon de la psychologie, cet abandon de l'intention qu'il peut y avoir chez certains acteurs qui parfois alourdit le jeu, quoi. Dans Le Boucher, Popol Jean-Yann dit à Hélène Stéphane Audran « Jamais faire l'amour, ça rend dingue », et elle lui répond « Le faire, ça rend dingue aussi ». Dès Le Beau Serge, avec la sensualité débordante de Bernadette Lafont, la violence de Blin, la sexualité, le désir, le sexe est là et bien là dans le cinéma de Chabrol, mais rarement comme une joie ou en tout cas effectivement comme un objet à double tranchant. Des bonnes femmes à la fille coupée en deux, un scénario que vous avez écrit, Cécile Mestre Chabrol, en passant par Betty, comment le sexe va-t-il et vient-il, si l'on peut dire, d'un film à l'autre? Cécile Mestre Chabrol. Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas une vision globale, moi, de l'œuvre de Claude. Je ne sais pas répondre à cette question. Je sais juste que on touche là à quelque chose de la part très pudique de Claude. Claude était un homme farouchement pudique. L'anecdote qui me vient, c'est que La fille coupée en deux que j'ai écrit, il m'avait donné assez peu d'indications, comme il en donnait assez peu à ses scénaristes en général, pas plus à moi qu'aux autres. Et il m'avait juste appelé un jour en me disant « Je voudrais que tu t'écrives une scène où elle a une plume dans le cul. » Je lui ai dit « D'accord. » Et je lui ai même pas demandé ni pourquoi, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Et effectivement, j'ai pondu, si je puis dire, une scène où elle a une plume dans le cul. Bon, je sais pas répondre à votre question, Alban. Non, il me semble qu'un des sujets de Chabrol, c'est la contradiction entre, disons, l'apparence qu'on veut se donner dans la société et la pulsion, quoi. C'est-à-dire la pulsion profonde. Alors, on le voit bien, disons, l'archétype de ça, ça serait le personnage de Michel Bouquet dans Juste avant la nuit, qui commence par tuer sa maîtresse au début dans une scène hallucinatoire, littéralement, et qui ensuite veut absolument être puni. Voilà, elle veut être punie. Bon, donc tout ça, évidemment, très fort et assez complexe, mais que c'est un peu, et c'est, il me semble, on retrouve ça aussi quand même dans La fille coupée en deux, ne serait-ce que cette expression dont on parlait, La fille coupée en deux, il y a quelque chose de ça. Il y a, alors c'est incarné à travers plusieurs personnages, mais on voit bien que la sexualité, c'est quand même, avec l'argent, l'un des deux moteurs du crime aussi, quand même. Ah oui, bien sûr. C'est quelque chose de fondamental. Sûr, toujours, enfin, toujours. Je pense que pour Claude Chabrol, j'ai l'impression que enfin, peut-être pas que pour lui, hein, ça doit être vrai pour Balzac ou pour plein d'autres, mais que c'est les deux, l'argent et la sexualité sont les deux moteurs de à la fois de la société et des rapports sociaux, mais aussi, on pourrait dire, du désir humain, quoi, tout simplement. Oui, il avait cette phrase que j'aime beaucoup, il disait que les bourgeois s'inventaient des problèmes de cul parce qu'ils n'avaient pas problème de pognon. Ça résume, peut-être j'ai répondu à votre question finalement. Peut-on dire qu'au moment Audran Bouquet, pour la femme, mais pour l'homme aussi, posséder n'est pas jouir, alors qu'avec les personnages portés par Isabelle Huppert, on serait plutôt dans jouir, c'est posséder. Là... Thierry Jousse. Cette deuxième partie est plus difficile. Je suis pas sûr. Nous sommes au cœur de la nuit. Je suis pas sûr que je vais pouvoir répondre de manière littérale à cette question. Donc en général, quand dans ces cas-là, j'ai tendance à prendre des chemins de traverse ou à botter en touche. Je sais pas si la question de la jouissance est liée à la possession. Oui, il y a des personnages, en tout cas chez Chabrol, qui sont dans cette logique-là. Mais il y a quelque chose à mon avis. C'est encore une fois la ligne de la pulsion est plus forte que tout chez lui quand même, non, il me semble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la pulsion qui prend le pas. En tout cas, c'est la pulsion qui vient tout désorganiser. Donc, au fond, la possession, elle est en dessous, quoi, parce que la possession, c'est un désir d'avidité, d'accumulation. Bon, quelque chose de cet ordre-là, la propriété, tout ce qui sont des valeurs effectivement éminemment bourgeoises. Et il y a toujours un moment où c'est dynamité de l'intérieur par la pulsion. Alors, ça peut être la pulsion des bonnes entre guillemets dans la cérémonie ou pas forcément la pulsion des bourgeois eux-mêmes. Mais enfin, il y a quelque chose qui vient contredire ce désir de possession. Donc là, je ne réponds pas à votre question, mais disons que j'essaye quand même de donner un petit cadre à cette affaire-là. Quoi. Après Betty, Stéphane Audran apparaîtra dans d'autres films de Chabrol, mais n'est-ce pas dans celui-là que disparaît la femme qu'elle incarnait dans les films de sa grande époque avec Chabrol ? Bah, il y aurait pu avoir un passage de témoin, parce qu'on sent que Marie Trintignant, à ce moment-là, peut devenir l'actrice de Chabrol. C'est-à-dire, malheureusement, ils n'ont fait qu'un film ensemble. Il fait d'ailleurs mourir Stéphane Audran et... Deux films. Ah oui, c'est vrai, elle est dans une affaire de femme. Mais dans un rôle moins important, en effet. C'est vrai. Et elle aurait pu être dans L'Enfer. Bon, mais ça n'a pas été le cas. Avec Daniel Auteuil. Voilà. Donc, bon, c'est dommage, peut-être. Enfin, ça aurait été autre chose. C'est une actrice qui fait partie, pour moi, du panthéon des, même si elle a très peu tourné. En tout cas, le rôle de Betty, il est absolument central, je trouve, et j'aime beaucoup ce passage aussi de c'est pas si là du coup c'est un passage de témoin, parce que dans la fiction c'est vraiment Stéphane Audran qui passe le témoin au personnage de Marie Trintignant, littéralement. Ça doit être évidemment la matière du roman de Simenon que j'ai pas lu, mais il y a des gens, je me rappelle de ce que Serge Danet, qui m'avait dit ça une fois, qui disait les grands Chabrol c'est toujours avec Stéphane Audran. Bon, alors ça c'est une option. C'est vrai qu'elle incarne d'une certaine façon quand même le cinéma de Chabrol d'une façon pas spectaculaire, mais enfin fascinante. Et en même temps, à un moment donné, quand il n'y a plus Stéphane Audran dans les films de Claude Chabrol, ça continue quand même à être fascinant. C'est juste qu'il y a peut-être moins, il y a moins de cette obsession d'une figure féminine, même s'il y a Isabelle Huppert qui revient de film en film. Elle est déjà beaucoup plus variée quand même que les personnages de Stéphane Audran. C'est pas un défaut du tout. Et puis il y a moins de films. Oui, il y a peut-être moins de films, et c'est vrai qu'on passe un peu à autre chose. Cela dit, la Stéphane Audran de Violette Nozière ou de Betty n'est pas non plus la même Stéphane Audran que celle qu'on a connue dans les années fin 60, début 70. Quoi. C'est pas la Stéphane Audran de juste avant la nuit des Noces Rouges ou de La Femme Infidèle ou même du Boucher. Si, ma chérie, regarde qui est là. Je le vois. Je craignais de ne plus te voir. Je voulais te féliciter pour ta franchise et ta loyauté. Mais elle n'en dégale que ton intelligence et ton habileté, mon petit père. Oh, on ne va pas se disputer dans une aérogare. Demande à ton ami Maurice de t'accorder une demi-heure de liberté. Que nous réglions tout ça une fois pour toutes. Alors ne vous tracassez pas, tout est réglé, une fois pour toutes. Bon, allons, on ne travaille pas tout ce temps avec quelqu'un sans avoir des comptes à apurer. Je lui dois de l'argent. Allez, oubliez ça. Non mais attendez, est-ce que j'ai mon mot à dire ou est-ce que je suis un jouet entre les mains de deux entités supérieures ? Pardonne-moi. Non mais c'est vrai, j'ai des choses à régler avec Victor, alors il n'y a plus de raison que ça attende. Tiens, mon sac. Alors je t'emmène jusqu'à mon hôtel. D'accord, mais je t'accorde une heure, pas plus. Tu t'occupes des bagages ? On se retrouve dans une heure à l'adresse que tu m'as dite. Si vous lui faites mal, je vous bouffe le foie. Je n'ai pas l'intention de la toucher, puisque vous croyez. Vous êtes un romantique, mon cher Maurice. Il faut que récupération, il faut le savoir. Mais la politique, c'est un hocher. Elle n'est pas tragique, il faut le savoir. J'ai décidé de prendre ce rocher et de m'amuser avec. Ah, Maurice, quel bon vent t'amène. Je vais vous aider, Non, non, non, pas la mallette, le sac, s'il vous plaît. Excusez-nous, c'est un cas d'urgence. Pardon. Merci beaucoup. Voilà. On va à l'hôpital, là? Non. Hôtel Hamac. Vous êtes bien malin, vous, hein? Je ne vous le cacherai pas. Alors, tu vois bien que c'est un con. Isabelle Huppert, Michel Serrault, François Cluzet, pourquoi avoir choisi cet extrait de Rien ne va plus, Cécile Mestre-Chabrol? Je voulais choisir le film d'abord pour j'ai laissé la part belle à Thierry qui avait choisi que La Bête meurt, et je voulais pas choisir un autre film de cette période-là. Rien ne va plus, c'est, on l'a dit, un film autobiographique de Claude Chabrol. Lui disait que c'est la part autobiographique de ses films, c'était pas dans les anecdotes mais dans les sentiments qu'il racontait. Rien ne va plus, c'est aussi un film qui a... Claude, il était très mauvais pour faire des pronostics sur si ces films allaient marcher ou pas. Il pensait que la cérémonie allait être un four, donc il disait je vais m'amuser, je vais faire tel plan, de toute façon on fera pas un strapontin. Il s'est planté, et Rien ne va plus, il était, on ne sait pas pourquoi, persuadé que ça serait un carton, et ça a été un four. Et les gens, je crois, n'ont pas tout à fait compris ou vu ce qu'il y avait de plaisant à voir. Et pourquoi j'ai choisi cet extrait-là, c'est parce que je trouve que dans ces trois petites minutes, il y a un paquet de trucs. Alors, il y a quoi? Il y a l'amusement du jeu entre deux acteurs. Il y a Michel Serrault et Isabelle Huppert. Il y a la place de la femme, comme ça, dans cette petite scène au milieu de son amant, son mentor. On ne sait pas très bien le rapport entre Victor, que joue Michel Serrault, et Betty, que joue Isabelle. Alors on a dit que c'était une espèce de mélange entre ses rapports, les rapports qu'il avait avec ma mère, Aurore, et avec moi. En tout cas, la complicité, l'amusement, ça c'est certain. Il y a aussi une petite phrase comme ça, il y a une scène qui est très drôle dans Rien ne va plus, c'est que à un moment donné, je ne vais pas raconter l'histoire, l'intrigue n'a pas d'intérêt, contrairement à ce que les critiques ont pensé ou raconté. Au fond, l'intrigue est vraiment un prétexte, comme souvent chez Claude. Et donc, à un moment, le personnage de François Cluzet, qui joue admirablement les cons, il est exceptionnel. Il y a aussi beaucoup le mot con dans l'extrait, parce que c'était un mot favori chez Claude. Ils prennent l'avion, voilà. Et derrière eux, ou devant eux, je ne sais plus, il y a un couple qui est un père et son fils, vraisemblablement, antillais, et qui rentre. Et il y a tout un dialogue de ce type à son fils, qui est mixé de façon très très très très basse. En fait, on l'entend à peine. Il faut vraiment tendre l'oreille. En fait, ce morceau, c'est un morceau exceptionnel. C'est la vision de Claude sur la politique. Et il y en a un tout petit bout dans l'extrait. On entend, il dit, la politique, c'est un hochet. J'ai choisi de prendre ce hochet et de m'amuser avec. Donc ça, c'est Greg Germain, d'ailleurs. Greg Germain, exactement. Et ça, j'aime beaucoup ça, parce que c'est vraiment pour moi très chabrolien, pour le coup. Voilà, il y a l'amusement, la roublardise, il y a tout ça. Et puis il y avait la suite de l'extrait qui était trop long, je vous l'accorde, Alban, où il y avait cette phrase où il dit « Tu es trop lucide pour prolonger une erreur ». On a parlé de la lucidité, c'était voilà. C'est un film, alors pour le coup, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le cinéma chabrolien par Rien ne va plus. C'est un peu con, mais il ne faut pas s'en priver. C'est un film très... très joyeux et très... C'est un film très vivant, quoi, je trouve. Et violent en même temps. Et très violent, oui. Et très surprenant, d'ailleurs. Ouais, très surprenant. Mais c'est ça que j'adore. C'est un film à tiroir. Peu de temps avant sa disparition, vous aviez encore un projet de film avec Chabrol, un scénario en route que vous aviez écrit à partir d'une idée, d'un argument qu'il vous avait lancé. De quoi s'agissait-il, Cécile? Ah, c'était... L'idée, c'était tout est faux. Alors, donc Claude, il donnait très peu de clés, surtout vers la fin. Thierry, vous disiez que son cinéma s'épurait. Lui, alors sa parole s'épurait à mort. Il fallait vraiment comprendre sans qu'il l'explique. Sans doute pour ça qu'il s'entourait de gens qu'il connaissait bien, ça lui faisait des vacances. Donc tout est faux. Donc il m'a dit, écoute, c'est simple, ça se passe dans une ville de province, il y a des truands et des flics, ils s'emmerdent, ils ont plus de coups, et puis finalement il y a un coup qui arrive, et puis c'est du pognon, ils volent du pognon, et puis le pognon est faux. Démerde-toi. J'ai pondu un scénario qui s'appelle Le bal des obscurs, dont personne n'a jamais voulu. C'est dommage. Et voilà, et on devait faire ça, c'était un projet. et il avait commencé à rédiger une adaptation, ça s'appelait Le renard et les pigeons, une fable. C'était très drôle, c'était au moment de Sarkozy, c'est un film assez politique pour le coup, assez marrant, un polar. Et puis il avait aussi un autre projet que je crois sur lequel Odile Barsky travaillait, qui était vraiment un vieux rêve, qui était d'adapter L'escalier de fer de Simenon. Et il voulait bien entendu Isabelle dans le rôle, et il avait choisi Denis Podalydès pour faire le mari. Et voilà, nous n'avons pas pu tourner ces deux films. Qu'il soit bon ou moins bon, on s'ennuie rarement devant un film de Chabrol. À quoi cela tient-il selon vous? Jean-Philippe Tessé écrivait dans les cahiers du cinéma que c'est parce que la caméra y travaille toujours. Thierry Jousse. Oui, sans doute, mais c'est aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui pense au spectateur, malgré tout. En ça, il se rapproche quand même un petit peu plus de Truffaut que de Rivette, on va dire, dans La Nouvelle Vague, ou même de Godard, qui a un rapport au spectateur aussi, mais enfin, beaucoup plus contre le spectateur. Il me semble pas que Chabrol soit contre le spectateur. Il offre au spectateur quelque chose de très plaisant, encore une fois, au premier abord. Hein. Il y a un plaisir quand même de la narration, des acteurs, le côté savoureux du cinéma de Chabrol, même si ça fait un peu cliché, c'est quand même quelque chose qui existe vraiment, mais avec cette idée qu'on peut aller au-delà des apparences, comme je disais un peu tout à l'heure. Je sais pas, je trouve que c'est très bien narré quand même, les films de Chabrol. Il y a aussi une dimension de narration qui est très, il y a pas de gras, même quand il y a des scènes qui paraissent inutiles, elles le sont pas vraiment, et même si elles étaient, elles auraient suffisamment de saveur pour nous intéresser et pour nous donner du plaisir. Donc il y a aussi ça, c'est quand même là ce côté hitchcockien quand même qui il pense au spectateur, il fait un peu de la direction de spectateur quand même, il amène le spectateur dans son monde, dans son univers. Alors après, il y a des films où c'est plus ou moins réussi, plus ou moins gras dans certains cas, mais dans les meilleurs Chabrol, il y a quelque chose où la narration va jusqu'au bout et on peut pas décrocher, quoi. Et ça tient en effet évidemment à la mise en scène, bien sûr, mais sur quelque chose qui est plus difficile à analyser, disons que la conduite du récit apparente. Vous évoquez Hitchcock, l'influence de Fritz Lang n'est-elle pas la plus sensible? Si, je pense que, enfin, après, je ne vais pas parler à sa place, malheureusement, il n'est plus là pour nous le dire, mais enfin, en tout cas, pour en avoir parlé avec lui et avoir lu des choses à ce sujet, je crois que Lang est quand même le cinéaste qui serait le plus proche de lui, même si ce serait difficile de réduire à un seul cinéaste. On trouve du Renoir aussi, hein, chez Chabrol. Je trouve que dans le Boucher, il y a beaucoup de Renoir, quand même, il me semble, hein, dans sa influence qui paraît moins évidente chez Chabrol que peut-être chez Truffaut, par exemple. Ça existe aussi chez Chabrol, mais dans la rigueur, dans le côté implacable, dans l'exploration, encore une fois, des méandres de l'âme humaine, vue comme d'une manière presque objective, j'ai l'impression qu'il se rapproche quand même pas mal de Lang, avec aussi la vengeance en point de mire, bon, en particulier dans Que la bête meurt, qui est un film, peut-être son film le plus languien. Donc oui, c'est sans doute le cinéaste qui l'a le plus marqué, y compris dans ce côté très nécessaire de la mise en scène. C'est-à-dire que chez Lang, il n'y a pas de plan inutile, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est extrêmement dense. Il me semble que c'est aussi, on retrouve ça aussi chez Claude Chabrol. Il y avait un truc, c'était qu'il disait que Lang, c'était tout est dans le cadre. Et alors, il y a un plan dans un film qui s'appelle La Demoiselle d'honneur, où il y a une scène avec Benoît Magimel et puis son patron derrière, et on est dans un restaurant, et puis j'installe les figurants comme ça, et puis et tout d'un coup, il regarde le combo, il travaille toujours derrière un combo, et puis il me dit le type là à gauche, mais rapproche-le du centre du premier plan, etc. Donc il y avait un bonhomme qui était assis là, comme ça, avec un sous-pull, une petite tête ronde comme ça, rapproche-le, et puis plus ça allait, plus le type prenait vraiment beaucoup de place dans le cadre, quoi. Et à un moment, je lui dis, enfin, Chacha, il prend une place énorme, il me dit, mais t'as pas vu? Ben non. Et il ressemble à Renoir. La manière qu'aura eu Claude Chabrol d'aborder le cinéma appartient-elle définitivement à un temps révolu? Pour des raisons d'économie du cinéma ou alors faute de combattants, réalisateurs, producteurs, spectateurs? Oui. Oui, oui, oui. Du point de vue de la fabrication ou du point de vue... Pour moi, du point de vue d'un milliard de choses. Mais Claude est mort il y a 10 ans. Bon, moi, j'ai pas mis les pieds sur un plateau de cinéma peu ou prou depuis 10 ans, mais j'ai des amis qui me racontent. Je crois qu'il y a quelque chose qui a beaucoup, beaucoup changé. C'est une affaire de sens, quoi. Claude, il... J'allais dire il militait, c'est pas tout à fait un mot qui lui va bien, mais en tout cas il était pour un cinéma de la réflexion et pas un cinéma qui s'adresse à la sensation, un cinéma qui s'adressait au cerveau, etc. Bon, je crois que ça a beaucoup changé. Et puis les économies du cinéma ont beaucoup changé, les façons de fabriquer des films ont beaucoup changé. Donc oui, je dis pas que c'était mieux ou moins bien ou j'en sais rien, mais en tout cas ça a bien sûr changé, oui. Mais en même temps, c'était un cinéaste, enfin assez économe dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui faisait des films avec. Non, c'est quelqu'un qui tournait relativement vite. Vous disiez tout à l'heure qu'il pensait aux spectateurs, il pensait aussi aux producteurs, ce qui est quelque chose qui est plutôt rare aussi. On est habitué à ce qu'il y ait une bataille entre le réalisateur et le producteur. Claude, il était plutôt pas pour, et je crois qu'il aimait la fidélité dans tous les sens, et y compris avec un producteur, et donc d'essayer de faire des films qui rentrent dans les budgets et de pas essayer de faire autrement. Mais ce qui paraît difficilement concevable aujourd'hui, au-delà même de ce que disait Cécile, avec lequel je suis d'accord, c'est que on voit pas comment quelqu'un pourrait avoir une carrière comme Chabrol aujourd'hui. C'est impossible. Qui partirait du cinéma, disons, des années 2000. Bon, le seul que vous pourriez dire, c'est peut-être Ozon, mais c'est quand même très différent. Il n'y a pas la même liberté quand même, je trouve. Enfin, c'est autre chose. Mais bon, il fait un film par an, disons, on va dire. Ouais, et puis je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce truc de ce plaisir de l'expérience. Il y a aussi une volonté des producteurs, des distributeurs de faire beaucoup de premiers films et de maîtriser beaucoup plus la fabrication des choses. Et au fond, les gens qui savent, ça emmerde. Oui, en revanche, mais par contre, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas fait perdre beaucoup d'argent à ses producteurs, malgré tout. Oh non, je crois que assez peu. Donc de ce point de vue-là, il pourrait toujours être utile, si on peut dire. Ah non, qu'il soit utile, ça c'est certain. Je répondais que le cinéma, oui, avait changé. Lui, il aurait continué à trouver des sujets. C'est une question qui nous taraude beaucoup en famille. C'est qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de la violence de ce monde dans lequel on vit, quoi. Est-ce qu'il continuerait à rigoler? Et comment il trouverait le moyen de rigoler? Moi, je s'il pouvait m'envoyer un petit signal, de là où il est, s'il est quelque part, je prends. Il nous manque beaucoup sur ce terrain-là, en particulier. Oui, il nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup, ouais. Ce qui était quand même une des forces du cinéma de Chabrol, c'est la réconciliation entre, disons, ce qu'on pourrait appeler le commerce et l'art, quoi. C'est-à-dire que être à la fois quelqu'un, un cinéaste dont le grand public pouvait voir les films, et en même temps s'adresser aussi aux cinéphiles. Enfin, je sais pas quoi. Cette réunion entre les deux, qui est au fond le propre des Fritz Lang et Hitchcock aussi, hein, enfin, dont il est un peu le continuateur de ce côté-là. Je sais pas si elle existe beaucoup encore aujourd'hui, parce que il y a souvent cette séparation entre un cinéma très auteur et d'autre part un cinéma très commercial qui est très présent et ouais, qui prend beaucoup de place. Il avait la synthèse, ouais. Quoi. Il ça c'est le pont entre ces deux cinémas-là, et c'est vachement important, je trouve. Je retrouve pas tellement ça, mais ça c'est évident que je peux pas retrouver ça, mais c'est surtout je crois que c'est la place du cinéma qui est étrange, en fait. Et comment on pense les films, et comment les films sont produits, et comment les films produits sont des produits. Enfin, tout ça et puis surtout un truc de sujet. Enfin, je trouve que une grande majorité des films français, si toutefois vous me demandez mon avis, et s'il a un intérêt quelconque, je trouve que les sujets sont pas passionnants, alors qu'on vit un moment très très passionnant. Une révolution dans tous les sens. Et je vois pas qui s'en empare. Or, je sais qu'il y a des gens de talent qui sont dans ce métier-là, et je crois que les décideurs se gourent de continuer à tirer sur un fil qui est au fond pas très intéressant, quoi. Merci Cécile Mestre-Chabrol et merci Thierry Jousse. Nous nous retrouverons dans 3 heures, juste avant la fin de cette nuit consacrée à Claude Chabrol, après avoir écouté Clap sur Claude Chabrol en 1973 à l'occasion du tournage de son film Nada. Tu vois ce que j'entends avec Pierre Janssen, un carnet de notes proposé par Philippe Langlois en 2000. Claude Chabrol pour son film Betty, dans Projection privée de Michel Simon en 1992. Et enfin Masterclass, Claude Chabrol au micro de Pascal Mérigeau en 2009. La nuit, Claude Chabrol se poursuit sur France Culture.